Une âme fixe peine, c'est pas une copie platinum. Promis j'explose ici, MC n'est pas mon hobby. J'additionne les félicitations du jury. Même si tu dis j'en rigole, j'ai vu ta gueule quand j'ai pris le chromi. Gros j't'ai aigri, tu frissonnes. On tient bon, presque aussi saoulant que la rentrée scolaire. Frère écoute un seul instant, ça va te rappeler le collège. Zen, règlement intérieur, déchiqueté et brûlé. Pistonné par mes supérieurs quand j'me défoule. Et j'ai coulé des années calmes à la fraîche. Ça m'a mis grave dans la merde, radicalement. La flemme de faire du taf comme un cerf. Au final j'dors avec une tonne de questions dans la tête. Je dis vague sans arrêt car y'a trop de faux jetons sur la terre. Cannibale, coupe j'arrête, arrêt, on finira en cercueil. C'est signé tout frais payé, j'tâte le pinard à la taille. Encore une âme à la traîne, paumée pour la décennie. Qui devra s'affronter soi-même en gardant l'œil sur ses ennemis. V'là l'école que tout le monde attend. On n'a plus le temps de rire, tu veux nous attendrir. Mec fallait t'y prendre avant, comme tiré par le col. Franchement file-moi tes heures de colle pour écrire, j'les attends. On rigole à l'école que tout le monde attend. On n'a plus le temps de rire, tu veux nous attendrir. Mec fallait t'y prendre avant, comme tiré par le col. Franchement file-moi tes heures de colle pour écrire, j'les attends en rigolant. Je vous sors des détails, je vais vous causer de la school. Des sites comme des chewing-gums dans les serrures pour sauter les cours. J'ai le trousseau de clé des failles du temps. Je tente le bac quand le troupeau belle et brasse du vent. Change de cap, j'ai gardé la forme. Des fois j'ai la bande sale, t'es hardcore, passe la porte, je taffe et ça sort pas. Mais là le retard des paraît slide et la prod. Des aléas sortis dont tout genre ça me rappelle. Des années passées parce qu'elle a sorti en couleur à la veste. Je tape les premiers beats et ça sonne presque. Je stream puisse dans le passé puis pile 10 ans après mon équipe, mes assos percent. Je maîtrise les passes, j'observe. Mais des as m'obsèdent, je me hisse en wack. En guise d'escabeau, me fiche que les tasses protestent. La nouvelle école me fait beaucoup moins peur. On se retrouve autour d'un buzz, écoute les couplets des potes. Et sous les décombres d'une vie passée dans la fumée, la tease mince. Je garde la stabilité de cap d'une flèche à mi-chemin. V'là l'école que tout le monde attend. On n'a plus le temps de rire, tu veux nous attendrir. Mec fallait t'y prendre avant, comme tiré par le col. Franchement file-moi tes heures de colle pour écrire, je les attends. On rigole à l'école que tout le monde attend. On n'a plus le temps de rire, tu veux nous attendrir. Mec fallait t'y prendre avant, comme tiré par le col. Franchement, file-moi tes heures de colle. Pour écrire, je les attends en rigolant. Fiji, une âme, 5 majeurs frères. Yeah. Tu vois de quoi on parle. Approchez tous les amis, les grands et les petits, regardez bien. Le cœur fier et l'œil malin, voici venir au loin votre ami Fixpensive. On dit que rien ne lui fait peur quand il s'agit d'aventure. Il est têtu et batailleur, mais gentil, je vous le jure. Un peu bavard et même un peu vantard, eh ben, ça ne fait rien. Dis donc. Car plus vous le connaîtrez, et plus vous l'aimerez, votre ami Fixpensive. Oh là, quelle intro!